camarade, reste avant dans ton crâne. Quoi que tu fasses ou que tu ailles, elle sera toujours là. Écoute, la voix de tous tes camarades, la voix de tous mes camarades.